Chapitre 6e. 15 jours se passèrent ainsi. Le mois de février tirait à sa fin et les dernières fêtes du carnaval mettaient toute la ville en branle. Le général Titolov était venu d'abord tous les 2 jours, puis tous les jours. Ensuite, on l'avait invité à dîner, et quel dîner! Jamais la cuisinière n'avait passé de plus rude journée. Cependant, Antonine avait gagné un point. Elle avait maintenu son samedi chez Madame Frakine. Le Titolov aboré n'avait point invité chez la vieille dame. Et Madame Karzov n'attachait pas assez d'importance aux réceptions de celle-ci pour avoir l'idée de les présenter elle-même. Cette soirée de liberté, semblable à celle d'autrefois, si dissemblable de la vie contrainte et cérémonieuse que les visites du prétendant lui imposaient désormais, produisit une impression extraordinaire sur la jeune fille. À peine entrée, en entendant le son familier du piano, au murmure de ces voix juvéniles dont plusieurs lui étaient chères, elle perdit contenance. Tout son grand courage l'abandonna en un instant. Il fondit en larmes au milieu du salon. Toute la jeunesse présente, il n'y avait pas une seule maman, s'oppressa autour d'elle, les jeunes gens pour la soutenir, les jeunes filles pour l'interroger, et lui offrir les caresses faciles et charmantes de leur âge. « Qu'as-tu donc, Antonine? On t'a fait du chagrin? Peut-on te venir en aide ?» Ces questions et 10 autres se croisaient autour d'elle. Appuyée sur l'épaule d'une amie d'enfance, elle essayait vainement d'arrêter ses pleurs. « Jean, où est Jean » demanda-t-on. Jean était à l'opéra italien, comme toujours le samedi. Dournov, qui arrivait, domina tout le groupe de sa haute taille et s'avança jusqu'à Antonine. « Je sais ce qu'elle a, moi. On va la forcer à épouser un homme qu'elle déteste, » dit-il à haute voix, et passant un bras autour de la jeune fille, il la conduisit vers un canapé où il s'assit près d'elle. « C'est vous qu'elle aime ! » s'écria-t-on de toutes parts. « Certainement, » répondit fièrement Dournov, « aussi elle n'épousera pas son général décoré. »« Non, non !» firent les jeunes gens tous en cœur. « Allez, amusez-vous !» dit Dournov, avec l'autorité qu'il possédait sans conteste sur ce petit monde dont il était de fait le chef élu. « Nous allons nous expliquer tranquillement. » Les quadrilles se formèrent. Madame Frakine apporta le secours de sa bonté maternelle à la pauvre enfant, mais il n'y avait pas de remède possible à son mal. Madame Karzov était trop entichée d'un si beau mariage pour y renoncer. Son futur gendre l'avait prise par l'amour-propre. Il avait perdu sa mère, et c'était sa belle-mère qui ferait les honneurs de chez lui, à côté de sa femme. Titolov avait de l'argenterie de famille très belle. Il avait un bel appartement fort bien meublé, des tapis, des glaces partout. Madame Karzov avait été le voir et on était revenu enchanté. « Mais alors, qu'espères-tu ? » demanda la jeune fille brisée, sa protectrice impuissante. « Je dirai non, partout, non, jusqu'à l'hôtel. Que puis-je faire de plus ?» Durant les 8 jours qui suivirent, Antonine n'eut pas une minute à elle, excepté le soir. Pendant que sa niagna la coiffait pour la nuit, elle écrivait à Dournov de longues lettres et relisait celles qu'elle recevait de lui tous les jours. La vieille servante, debout derrière elle, tâchait d'adoucir ses mouvements pour ne pas troubler l'enfant chéri. Elle regardait les doigts d'Antonine courir sur le papier, et ses larmes tombaient sur la page écrite, et toute l'âme de la vieille femme se fondait de douleur à la pensée qu'elle ne pouvait rien pour elle. Un soir, Antonine, lasse de se contenir, avait couché sa tête sur ses bras croisés au bord de sa table de toilette. Pendant que la niagna achevait ses nattes soyeuses, pleurait à se fendre le cœur, elle sentait de gouttes chaudes tomber sur son cou. Elle releva brusquement la tête et regarda la vieille bonne. Celle-ci s'était penchée sur elle, et deux ruisseaux de larmes coulaient sans relâche de ses yeux fatigués sur ses joues flétries. « Ne pleure pas, niagna, » dit Antonine, « cela ne sert à rien. »« Ne pas pleurer, mon aigle blanc, quand je te vois perdre tes yeux chéris à pleurer toute la nuit. » Mais je voudrais devenir aveugle à force de pleurer, si cela pouvait te rendre la gaieté. Oui, je prendrais toutes tes larmes pour moi jusqu'à la fin de ma vie. Si le bon Dieu le voulait, je perdrais mon salut éternel, si tu pouvais en être plus heureuse. » Antonine passa ses 2 bras autour du cou de la pauvre servante. « Tu es plus ma mère que ma vraie mère, » dit-elle. « Je crois bien, » s'écria la niagna. « Sauf vous avoir mis au monde, votre mère n'a rien fait pour vous. Qui a veillé vos maladies, soigné vos petits maux, pleuré et ri pendant toute votre enfance pour vous amuser? Qu'est-ce qui vous soigne à présent et connaît vos peines? Tu as raison, ma colombe, c'est moi qui suis ta vraie mère. Aussi, tu peux pleurer avec moi, et ta mère te défend les larmes, parce que ça gâte les yeux. Pleure, ma beauté, nous pleurerons ensemble, et peut-être que le Seigneur se laissera toucher. » Le lendemain de ce jour était un samedi. Madame Carzoff entra dès le matin dans la chambre de sa fille et surveilla attentivement l'opération de sa coiffure. Antonine s'était fait apporter la robe toute simple qu'elle mettait d'ordinaire. Sa mère la renvoya et choisit une robe claire de couleur indécise, particulièrement gaie et voyante. Elle plaça ensuite un ruban rose dans les cheveux de sa fille, et après l'avoir examinée de tous côtés, elle finit par l'embrasser avec plus de tendresse que de coutume, après quoi elle l'emmena dans sa chambre. « Vois-tu, Antonine, lui dit-elle, quand elle l'eut fait asseoir à son côté, le devoir des jeunes filles est de se soumettre à leurs parents, qui savent mieux qu'elles ce qui leur convient. Tu as été une bonne fille, tu seras une bonne épouse et une bonne mère. L'heure est venue pour toi de quitter tes parents. J'espère que tu leur seras reconnaissante jusqu'à la mort des soins qu'ils ont pris pour assurer ton bonheur. Le général Titoloff va venir aujourd'hui pour te demander en mariage. Tu répondras comme il convient, et vous recevrez tous les deux la bénédiction des fiançailles. » Antonine se leva. « Ma mère, dit-elle en se prosternant par trois fois à l'ancienne mode, vous savez que j'aime Dournoff. Ne me forcez pas à épouser un autre homme contre mon gré. C'est une plaisanterie, s'écria Madame Carzoff. Tu ne l'aimes pas. Je l'aime, et je lui ai donné ma parole. Nous sommes contents d'attendre ainsi, ma mère. Nous ne vous demandons qu'un peu de patience. N'ordonnez pas notre malheur, et nous vous bénirons tous deux. » Madame Carzoff eut peur intérieurement. Elle s'aperçut qu'elle avait traité trop légèrement l'amour des deux jeunes gens, et de plus, elle acquit la certitude qu'elle ignorait tout le caractère de sa fille. Cette dernière découverte fut fatale à la première, car s'il avait été touché de voir combien cet amour méprisé avait de profondes racines, elle fut extrêmement blessée de ce qu'elle nomma la sournoiserie d'Antonine. Elle oublia qu'elle aurait dû depuis longtemps inspirer à sa fille la confiance qui lui manquait aujourd'hui, et s'en prit à la méchante nature de son enfant. « On n'aime pas un va-nu-pied, dit-elle avec humeur. « Comment ne t'es-tu pas aperçu qu'il ne t'aime que pour ta dot, si tu étais pauvre, ma mère ?» interrompit Antonine, les yeux flamboyants de colère. « N'insultez pas Dournoff, il vaut mieux que moi. C'est vous qui voulez me donner un général parce qu'il est riche. » Madame Carzoff se leva aussi, et les deux femmes se toisèrent un instant. Si Madame Carzoff ne donna point un soufflet à sa fille, c'est parce qu'elle avait trouvé moyen de la blesser plus cruellement. « Ton Dournoff ne veut que notre argent, » répéta-t-elle d'un ton méprisant. « Les gens de son espèce sont toujours après les filles de bonne maison. Ma mère, » répéta Antonine, « n'insultez pas un honnête homme, car je l'épouserai sans dot et malgré vous. » Madame Carzoff, furieuse, éclata d'un rire aigu. « Si tu l'épouses sans dot, il sait bien que tu hériteras un jour ou l'autre. Ce ferait le coup de notre mort, entends-tu ? De notre mort à tous les deux, car si tu l'épouses, je te maudis, toi, lui et vos enfants. » Antonine chancela, ses forces l'abandonnaient, mais elle ne voulut pas donner à sa mère le plaisir de l'avoir vaincue. Elle se retint une chaise et la regarda en face. Le visage de Madame Carzoff exprimait autant de colère et presque de haine qu'on peut le supposer. En ce moment, elle ne voyait pas en sa fille le fruit de ses entrailles. Elle y voyait une ingrate, qu'elle avait fait élever, qui lui devait tout, même l'existence, et qui osait lui tenir tête. La Niagna avait raison. Celles qui ne font que donner le jour à leurs enfants sont moins mères que celles qui les élèvent. Ce sont les joies et les chagrins de la maternité qui la font vraiment puissante. « Soit, ma mère, » dit Antonine sans baisser les yeux, « je n'épouserai pas Dournoff sans votre bénédiction, puisque vous me menacez d'un châtiment si cruel. Mais je n'épouserai pas non plus Titoloff. Tu l'épouseras à la fin du carême ou je te maudis. Je ne l'épouserai pas, ma mère, j'aimerais mieux mourir. On n'en meurt pas, » dit Madame Carzoff en souriant amèrement. J'ai répondu exactement la même chose à ma propre mère, il y a 37 ans, quand il s'est agi d'épouser ton père. Toutes les âmes ne sont pas pareilles, dit lentement Antonine. Heureusement, car je crois que la tienne est l'œuvre du démon. En attendant, c'est ton Dournoff qui t'inspire cette belle résistance. J'étais bien peu intelligente de ne pas le mettre à la porte le jour qu'il a fait cette ridicule demande. C'est à vous deux que vous avez comploté de me faire perdre patience. « Attends, je vais lui écrire qu'il ne se représente plus devant mes yeux. » Elle s'assit et écrivit à la hâte trois mots qu'elle envoyait aussitôt chez Dournoff, puis une réflexion lui vint. « Tu pourrais bien le voir chez Madame Frakin, elle est si peu difficile sur le choix de ceux qu'elle reçoit. Mais tu n'iras plus sans moi. Et de plus, je vais lui faire savoir que si elle tient à mon amitié, elle est à tenir dehors ce coureur de fortune. » Elle expédia aussi vite que le premier un second billet et regarda ensuite sa fille toujours debout devant elle. Bats dans ta chambre et tâche de réfléchir, dit-elle. Titolov arriva dans l'après-midi. Une table avec les images avait été préparée. Monsieur et Madame Karzov l'attendaient dans le salon. Quand il fut venu, on envoyait chercher Antonine, qui parut pâle comme la cendre et défaillante, mais d'une apparence digne et fière. En s'entendant demander officiellement sa main, elle eut envie d'adjurer cet homme, de lui dire qu'elle en aimait un autre, et de lui demander grâce. Mais sa nature concentrée, ennemie de toute démonstration extérieure, la fit reculer devant cette scène qu'elle trouvait d'avance bête et théâtrale. Elle se promit de lui faire entendre raison un moment où il serait seul. Monsieur et Madame Karzov répondirent pour leur fille qui n'ouvrit pas la bouche, bénirent les fiancés avec les images saintes, et une conversation s'établit entre les trois personnages, si peu intéressante et si lourde à porter, que le fiancé prétexta un devoir de service et se retira au bout d'un quart d'heure, après avoir baisé respectueusement la main inerte d'Antonine. Dès qu'il eut quitté l'appartement, la jeune fille se retira dans sa chambre en refusant de dîner. Pendant que monsieur et madame Karzov, assez penauds de ce résultat, prenaient en tête-à-tête un repas qui ne leur paraissait pas bon, la Niania, qui ne servait jamais à table, se glissa près d'Antonine. En la voyant, celle-ci, affaissée dans un fauteuil, tourna la tête de son côté et lui tendit la main. « Ils t'ont forcé, mon ange du ciel ?» dit la vieille femme en baisant la main de son enfant d'adoption. « Oui, dit Antonine, mais je ne l'épouserai pas. »« Hélas, ma chérie, soupira la Niania, contre la volonté du tsar et celle des parents, il n'y a pas de recours. »« Niania, dit Antonine après un moment de silence, il faut que je voie Dournov. » »« Eh bien, ma beauté, chez Madame Frakin, ce soir, je n'irai pas chez Madame Frakin, ma mère craint que je ne l'y voie. » »« Niania, reprit Antonine en se redressant et en regardant sa vieille bonne, je veux voir Dournov aujourd'hui. » « Où, Seigneur Dieu, comment ?» s'écria la Niania en levant les bras au ciel. « C'est mon affaire, » dit Antonine, en continuant à la regarder avec autorité. « Va dire à ma mère que je désirerais aller aux vêpres ce soir. »« Aux vêpres ? C'est une bonne pensée, ma chérie. »« La prière calmera ta pauvre petite âme affligée. J'y vais tout de suite. » Au bout d'un instant, la Niania revint, apportant la permission demandée. L'heure des vêpres n'était pas bien éloignée. Antonine dépouilla son costume de fête. Elle arracha de sa tête avec colère le ruban rose que sa mère y avait mis et frotta longtemps la place où les lèvres de Titolov avaient touché sa main. Puis elle attendit sa Niania. Vers 7 heures, celle-ci apparut, dûment encapuchonnée, portant la pelisse de sa jeune maîtresse, qui s'en revêtit sans perdre de temps. Elles sortirent toutes deux et firent quelques pas, mais au premier tournant, la Niania arrêta Antonine par la manche. « Tu te trompes de chemin, ma chérie, l'église est par ici. » « Nous irons à l'église plus tard, » dit Antonine. « Suis-moi. » La Niania fit quelques pas. Elle était obligée de courir presque pour marcher de concert avec la jeune fille. « Ma beauté, ma petite chérie, où vas-tu » demanda-t-elle avec crainte. « Tu as dit que tu donnerais ton salut éternel pour me sauver, » répondit Antonine. « Suis-moi, sans rien demander de plus. » La Niania baissa la tête et ne souffla plus mot. Antonine traversa 2 ou 3 rues populeuses, pénétra dans une ruelle sombre, et sans hésiter, elle avait pris plaisir à passer tant de fois devant cette maison pendant son hiver solitaire. Elle entra dans une maison simple et propre. Elle monta un escalier de pierre, et au second elle sonna d'une main vigoureuse. La porte s'ouvrit, un rayon de lumière tomba sur le visage d'Antonine qui avait rejeté son capuchon. « Antonine, Dieu t'envoie, sois bénie !» crie la voix de Dournov, et sans plus rien dire, il emporta la jeune fille dans ses bras. La Niania referma soigneusement la porte et les suivit dans le salon.